On me dit que je me prends trop la tête. On me dit par un voyage fais la fête. Et je sais que tous ils hallucinent quand je rentre à Y sur la terre. On me dit que je me prends trop la tête. On me dit par un voyage fais la fête. Et je sais que tous ils hallucinent quand je rentre à Y sur la terre. On me dit pas en voyage, vas-y fais la fête. Tu plein de disques d'or, tu là tu fais la tête. C'est que si j'ai des boys à côté que demain j'arrête. Mais j'aime trop la musique, tu es dans ma planète. Quand tu m'as dit que j'ai changé, de t'insulter ça me démangeait. Fais-moi du mal, je vais pas me venger. Mais le retour de flamme, tu vas les manger. Manger, m'en fous du danger. Si au jour le jour, le coup et le manger, je t'en même le dimanche. Vas-y, bobo là, faut que je m'en aille loin, oui, fais bobo là. Ici c'est comme on a, un jour on mourra. On me dit que je me prends trop la tête. On me dit par un voyage, fais la fête. Et je sais que tout ils hallucinent quand je rentre à Y sur la terre. On me dit que je me prends trop la tête. On me dit par un voyage, fais la fête. Et je sais que tout ils hallucinent quand je rentre à Y sur la terre. Je profite du qu'un jour mon heure va sonner. J'ai plus du rosé, le soleil m'a assommé. Sous le siège, ça souvent le commet. Une envie de le sortir, je te promets. Je suis à 200, je regarde pas dans le rétro. Midi, ta pente, je descends dans le ghetto. Les cives me fouillent, mais me laissent le béton. Je prends mes premières et je rejoins le poteau. Dans les très sentis, ça se fait des coups. C'est de pire en pire, tout s'y va au trou. Sans même pas j'ai dire, qu'est-ce que je m'en fous. Qui continue à dire que je suis un fou. Tout s'y me font. Ah ouais, c'est délicieux. Tous s'y font des poussettes. Disent que je suis vicieux. Mais pas judicieux. Et que parce que tu m'écoutes jusqu'à Vénitieux. Je suis tout en fumée, toi et fais mes yeux. Jim d'où la vie, mesdames et messieurs. On me dit que je me prends trop la tête. On me dit par un voyage, fais la fête. Et je sais que tout s'ils hallucinent quand je rentre à Y sur la terre. On me dit que je me prends trop la tête. On me dit par un voyage, fais la fête. Et je sais que tout s'ils hallucinent quand je rentre à Y sur la terre. On me dit que je me prends trop la tête. On me dit par un voyage fais la fête. Et je sais que tout s'ils hallucinent quand je rentre à Y sur la terre. On me dit que je me prends trop la tête. On me dit par un voyage fais la fête. Et je sais que tout s'ils hallucinent quand je rentre à Y sur la terre.